السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Avant d'entamer le chapitre principal du jour, à savoir باب المحرمات في النكاح, le chapitre des femmes interdites au mariage, nous allons finir certaines questions relatives au cours précédent. La première, est-ce une condition ou est-ce une obligation que le prétendant soit l'égal de la femme dans la classe sociale ou alors dans la richesse, dans la lignée et autres points particuliers? La condition, c'est la religiosité et le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. S'il vous vient, c'est-à-dire où vous les responsables de ces femmes, une personne, un prétendant, un homme qui la demande en mariage, que ce soit la fille, que ce soit la sœur ou autre. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam nous mentionne deux conditions, deux caractéristiques. Vous êtes satisfait de sa religiosité, vous êtes satisfait de son comportement. Donc ce sont les deux choses qui priment. Ce sont les deux choses qui priment. Si la personne a la droiture dans la religion, si la personne a la piété envers son Seigneur, si la personne a le bon comportement envers les gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre aux responsables de ces femmes d'accepter le mariage dans le cas où la femme serait d'accord, d'accepter la demande dans le cas où la femme serait d'accord. Et il est malheureux de trouver des pères qui acceptent de marier leur fille à une personne qui est négligente dans la religion, qui a des perversions, qui est connue pour son mauvais comportement, juste parce que c'est un homme de la famille, par exemple, ou juste parce qu'il est de noble lignée, ou juste parce qu'il est riche ou a une situation financière malgré qui leur font envie. Tout ceci est blâmable et répréhensible. Malgré tout, dans le cas où le père marie la fille à cette personne qui n'est pas droite, le mariage serait quand même sahih, authentique. Exception faite du fornicateur. Si l'homme est connu pour être zina iyadan billah, si l'homme est connu pour être un fornicateur, alors le mariage n'est pas valable. Allah Azza wa Jalla a interdit d'accepter la demande ou d'accepter le fornicateur. Et il a interdit cela. Il a interdit cela. Donc, à partir du moment où il y a connaissance de la perversion de cet homme, et il n'y a pas connaissance de son repentir, il n'est pas permis de le marier. Et dans le cas étant, le mariage ne serait pas valable. Comme l'explique Ibn Al-Faymin rahimahullah ta'ala. Dans le cas où il se repent et il se réforme, à ce moment-là, c'est permis de nouveau, c'est permis d'accepter sa demande. Passons au chapitre Al-Muharramat fi al-Nikah. Donc les femmes interdites au mariage. Al-Muharramat fi al-Nikah qismain. Les femmes interdites au mariage sont de deux sortes. Premièrement, il a abad. Et deuxièmement, il a aman. Premièrement, les femmes interdites pour toujours. Comme la mère de l'épouse, comme la mère qui a, yani, qui a celle qui a allaité, qui est devenue mère de l'homme, comme la sœur de l'homme ou la nièce de l'homme, ces femmes-là lui sont interdites pour toujours. Ces femmes-là lui sont interdites pour toujours. La deuxième catégorie de femmes interdites, il a amal, pour un temps déterminé. Tant qu'il y a la cause, elle est interdite. Dès lors qu'il n'y a plus la cause, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. L'homme qui épouse une femme, si cette femme-là a une sœur, si cette femme-là a une tante, sa sœur et sa tante lui sont interdites. Mais pas à vie. Elles lui sont interdites parce qu'il est marié avec cette femme-là. Donc ça, c'est un temps déterminé. C'est que cette cause qui fait que la tante ou la sœur ne lui sont pas licites. Ici, c'est un temps déterminé. C'est quoi? C'est le temps qu'il a cette femme pour épouse. Dans le cas où il se sépare, dans le cas où, c'est-à-dire il la divorce, dans le cas où il y a décès, dans le cas où, à ce moment-là, cette interdiction tombe. Et sa sœur, par exemple, la sœur de son ancienne épouse, lui devient illicite. La deuxième chose à savoir, c'est que ce jugement-là est un jugement religieux. Personne parmi les gens ont le pouvoir de décider qu'une femme est interdite au mariage à un homme. Mais c'est un jugement shar'i. Et le fait de rendre halal, le fait de rendre haram, ça c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala de son message, sallallahu alayhi wa sallam. Personne parmi nous a le pouvoir d'interdire une femme à un homme. Et la base, c'est la laïcité de soi. La base, c'est que la femme est halal. Tant que nous n'avons pas une preuve qui montre le contraire. La base, c'est que l'homme peut épouser la femme qu'il souhaite. Tant qu'il n'y a pas un texte religieux qui montre que cette catégorie de femme ou cette femme lui est interdite. Donc dans le cas où on a un doute, est-ce que cette femme lui est halal ou haram, la base c'est qu'elle lui est halal. Tant qu'on n'apporte pas la preuve du contraire. Tant qu'on n'apporte pas la preuve du contraire, qu'Allah Azza wa Jalla, après avoir cité les interdictions, nous dit wa uhilla lakum ma wara'a dhalik aw dhalik, et tout ce qu'il y a après cela vous a été rendu licite. Donc les interdits en islam sont énumérés. Les interdits en islam sont mentionnés et entrent dans une liste exhaustive. D'accord ? Donc, ce dont nous n'avons pas la preuve, ben, la base, c'est que c'est halal. La base, c'est que c'est halal. À titre d'exemple, si nous avons un doute, est-ce que telle femme a allaité cet homme lorsqu'il était bébé 5 fois, ou bien est-ce qu'elle l'a allaité ou pas, tout court. Est-ce qu'elle l'a allaité ou pas? La base, c'est qu'elle ne l'a pas. Tant que nous n'avons pas la preuve du contraire, elle lui est donc licite. Notez les 4 catégories de femmes ou les 4 causes qui font que la femme est haram à l'homme. Notez les 4 catégories, les 4 sortes. Premièrement, bin nasab. Premièrement, par la lignée, sa mère, c'est sa sœur, par les liens du sang, les liens familiaux, plus précisément du sang. La deuxième cause, c'est ar-ridha, c'est l'allaitement. telle femme a allaité l'enfant avec les conditions requises, cette femme-là devient sa mère de lait. Elle lui est donc interdite. Puis s'ensuit une multitude de femmes de la famille qui le deviennent également, comme on l'étudiera, incha'Allah ta'ala, aujourd'hui. La troisième catégorie, al-mula'ana. On expliquera ce que c'est. C'est lorsqu'il y a un conflit particulier entre deux époux, donc l'homme et la femme, et qu'il y a l'accusation d'adultère sans preuve, que le juge réunit les deux parties et il se passe l'i'an. Quelle était la première catégorie? Al-nasab, la lignée. La deuxième, al-rida, l'allaitement. La troisième, al-mula'ana. Al-mula'ana. Parce que la personne va invoquer la malédiction d'Allah sur sa personne. Al-la'ana, c'est la malédiction. La quatrième catégorie, al-musahara. C'est l'alliance. C'est-à-dire suite au mariage. Si le père de l'homme contracte le mariage avec une femme, le fils de cet homme, cette femme lui devient haram. Est-ce que c'est compris? L'épouse de ton père, qui n'est pas ta mère, elle t'est interdite. C'est quoi le lien? C'est quoi la cause? Est-ce que c'est le nasab? C'est la lignée? Non. Est-ce que c'est parce qu'elle t'a allaité? Riba? Non plus. Est-ce que c'est le mula'ana? Non plus. C'est donc quoi? Al-musahara. C'est par alliance. C'est par alliance. Si toi tu épouses une femme, quel est le jugement de sa mère? Elle devient haram. D'accord? C'est quoi la cause? Al-musahara. Si cette femme que tu épouses a un enfant, a une fille, quel est le jugement de cette fille pour toi par la suite? Haram. Quelle est la cause? Al-musahara. Donc, il y a quatre causes, quatre catégories. Qu'est-ce qui nous les répète? Très important. Na'am. La première, c'est le nasab, les liens du sang. Un exemple? Sa mère. La deuxième catégorie? L'allaitement, al-rida. Un exemple? La mère de lait. La troisième catégorie? Dit directement al-mula'ana. Na'am. La quatrième catégorie? L'alliance. Al-musahara. Suite à un mariage, découlera de cela des personnes, des femmes qui te seront interdites. Que soit ton mariage à toi, soit le mariage d'une autre personne, comme ton père, comme ton fils, et ainsi de suite. Prenons la première catégorie. Avant ça, une parenthèse. Certains ont mentionné une cinquième catégorie. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, a dit que ça n'était pas nécessaire. Car après la mort du prophète, alayhi salat wa salam, il n'y a plus la nécessité de mentionner cela, si ce n'est pour enseigner aux gens une de ses spécificités, une de ses particularités. C'est tahrim bil-ihtiram. C'est celles qui sont interdites par respect et considération. Ce sont les épouses du prophète, alayhi salat wa salam. Les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont interdites. Naam, sont interdites. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'elles seront ses épouses au paradis. Parce qu'elles seront ses épouses au paradis. Pourquoi? Parce qu'on les considère comme on considère nos mères et elles sont les mères des croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Prenez sourate Al-Ahzab, le verset 53. Wa ma kana lakum, et il ne vous appartient pas أن تؤذوا رسول الله de nuire au messager d'Allah ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ni d'épouser ses épouses après lui et cela à tout jamais. Donc il est interdit d'épouser une épouse du prophète alayhi salatu wassalam et Allah dit en Coran وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُ et ses épouses sont leurs mères, les mères de qui? Les mères des croyants. Comment est-ce qu'on les appelle? Ummul Mu'mini. Tu parles de l'épouse du prophète, tu dis Ummul Mu'mini, tu dis عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن أم المؤمنين et ainsi de suite. Prenons la première catégorie. المحرمات بالنسب. Allah عز وجل les a énumérées dans le Coran. Dans quelle sourate? Dans quelle sourate on a parlé des femmes? Sourate An-Nisa, dans beaucoup de sourates, mais ici, sourate An-Nisa. Le verset 22, si mes souvenirs sont bons, Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré, a mentionné de manière détaillée celles qui nous sont interdites. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées. Sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans ce verset, il y a la mention de l'interdiction des femmes due au nasab, au lien du sang. Il y en a combien? Bil'ad. Combien sont interdites du fait qu'il y a un lien de sang? Il y en a 7. Notez-les. Ummahatukum. Premièrement, vos mères. Puis on va détailler. Deuxièmement, vos filles. Troisièmement, vos sœurs. Quatrièmement, ammatukum. Al-amma, c'est la sœur du père. Donc c'est la tante, dites-moi, paternelle. Ça fait combien? Ça fait 4. Wa khalatukum. Al khala, c'est la sœur de qui? De la mère. Donc c'est la tante maternelle. Ça fait combien? Ça fait 5. Wa banatul akh, la fille du frère. Donc ta nièce. Wa banatul ukht, la fille de ta sœur. Donc ta nièce. Ça fait combien de personnes? 6, vous êtes sûr? Ça fait 7. Ça fait 7. La mère, la fille, la sœur, la tante paternelle, la tante maternelle, la fille du frère et la fille de la sœur. Ça fait 7. Donc, par un nasab, par le lien du sang, il y a combien de types de femmes qui nous sont interdites? 7. C'est compris et noté? 7. La preuve dans Surat al-Nisa, le verset 22. Reprenons ce passage et détaille. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Hurrimat alaykum ummahatukum. Vous ont été interdites vos mères. La mère, wa in alat, même si c'est au-dessus d'elle, qu'est-ce que ça veut dire? La mère, la mère de la mère, la mère de la mère de la mère, donc la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Toutes celles-ci sont appelées comment? La mère. Est-ce que c'est compris? Tout comme le père, quand on dit le père, ça englobe qui? Le père du père, le père du père du père, et ainsi de suite. N'est-ce pas que Yusuf alayhi salam, comme c'est dans Surat Yusuf, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. J'ai suivi la voie de mes pères. Qu'est-ce qu'il a cité? Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a cité? Ishaq, Yaqub. Qui est le père de Yusuf? N'est-ce pas Yaqub? Pourtant, il a appelé Ibrahim comment? Son père. Il a appelé Ishaq, qui est son grand-père. Comment? Son père. Donc il a appelé son père, son grand-père et son arrière-grand-père, père. Est-ce que c'est clair? Pareillement du côté de la mère. Donc, te sont interdites, vous sont interdites vos mères. Que ce soit la mère directe, que ce soit la grand-mère, que ce soit l'arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Notez, que ce soit du côté du père, ou que ce soit du côté de la mère. Est-ce que c'est compris? La deuxième, c'est les filles. Naam. Les filles, que ce soit les tiennes, wa inna zalna, ou que ce soit les filles de qui? Pour la mère, on a dit la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, ainsi de suite. Donc pour la fille, on dira quoi? La fille s'englobe quoi? La fille, direct, mais aussi quoi? Sa fille, la fille de la fille, et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris? Donc, toute fille que ton épouse a enfantée, ou toute fille que tes propres enfants ont eue, est-ce que c'est compris? Les filles englobent les tiennes, celles que tes épouses à toi ont enfantées, mais également les filles de tes enfants. Est-ce qu'on s'arrête là? Non, on continue. Et ensuite, les filles de leurs enfants et les filles des enfants, des enfants, et ainsi de suite. Nous sommes à la deuxième catégorie. Et même, iyadhan billah, si une personne a eu une fille alors qu'il n'était pas dans la droiture et il fréquentait les femmes en dehors du mariage, iyadhan billah. Même cette fille-là lui est haram. Elle ne lui est pas affiliée, elle ne porte pas son nom, et ainsi de suite, elle n'hérite pas de lui. Mais ce chapitre-là est plus vaste, c'est celui de l'héritage. Donc elle lui est haram, bien que ce soit une fille née hors mariage. La troisième catégorie, la troisième était wa akhawatukum, vos sœurs. Ça englobe combien de types de sœurs? Combien de types? Combien? Un chiffre. Trois. Donc, premièrement, al-shaqiqa, celle du même père, même, elle a le même père que l'homme et même mère. Al-urtu shaqiqa. Ensuite, li, ab, seulement du père mais pas de la mère. Ensuite, il-um, seulement de la mère mais pas du père. Donc, trois. On passe à wa'ammatukum. Al-amma, on a dit que c'était qui? La sœur du père. La sœur du père. Ça englobe combien de personnes? Combien de cas? Si on a dit trois pour la sœur, donc pour la amma, trois. Naam. Al-Shaqiqa, donc de même père, même mère, ou du père seulement, ou de la mère seulement. Ensuite, wa khalatukum. Al-Khala, c'est qui? Toi tu as une sœur et elle a des enfants. Comment est-ce que ces enfants vont t'appeler? Khali. Naam. Khali. Pourquoi? C'est du côté de la mère. Et si son époux, naam, si c'est du côté de son époux, comment est-ce que ses enfants diront? Tes neveux, toi, ils t'appellent Khali, mais de l'autre côté, ils diront Ammi, mon oncle, parce que c'est le frère de leur père, et toi, tu es le frère de la sœur. Donc, Al-Am, vous retenez, c'est le frère du père. Al-Khal, c'est le frère de la mère. Donc, wa khalatukum. Ça englobe aussi trois catégories, même père, même mère, que du côté du père, que du côté de la mère. Wa banatul akh, les filles du frère. C'est-à-dire que tu as un frère, il a des filles, elles te sont illicites. Il y a trois cas. Que ce frère soit ton frère, al-shaqiq, donc de même père, même mère. Que ce frère soit li'ab, vous avez le même père mais pas la même mère. Qu'il soit li'oum, vous avez la même mère mais pas le même père. Wa banatul ukht, les filles de la sœur. Pareillement, la sœur de même père, même mère, la sœur de même père, pas même mère, la sœur de même mère, pas de même père. Combien sont-ils au final, si on veut les énumérer ou les dénombrer? 7. Naam, 7. Ces 7 catégories ont en commun que pour l'homme, les filles de la base de tous ceux qui ont été cités lui sont interdites. C'est-à-dire les mères, les grands-mères, le soul, c'est quand on remonte, les parents. Donc, la mère est interdite. La mère de la mère est interdite. La mère de la mère de la mère, et ainsi de suite. Puis, dans les branches, les filles sont interdites. C'est-à-dire, lui-même a des filles, elles lui sont interdites. Ses filles ont des filles, elles lui sont interdites. Ses fils ont des filles, elles lui sont interdites. Puis, ces dernières ont des enfants, et ainsi de suite. Ensuite, ses sœurs, et les enfants de ses sœurs, les enfants de ses, ou les filles de ses sœurs, les filles de ses frères. Ces 7 personnes sont interdites de par le Coran et de par le consensus. Passons à Al-Muharramat Bil-Mula'ana. Al-Muharramat Bil-Mula'ana ala Al-Mula'i. C'est celle que l'époux a accusée d'adultère, mais elle rejette cette accusation et lui n'a pas apporté les preuves. À ce moment-là, le juge les convoque et ils font al-mula'ana. Et revenez dans le Coran à Suratul Mujadila. Au sixième hizb, au troisième juz, en partant de An-Nas. Ou bien dans An-Nur. Ou bien dans Suratul Nur. Al-Qadi, dans Surat al-Nur, je dis Al-Mujadila, c'est une erreur de ma part, je pense, c'est dans Surat al-Nur. Al-Qadi, le juge islamique, les convoque donc et il demande à l'époux de témoigner à 4 reprises. Il lui demande de témoigner à 4 reprises contre son épouse, c'est-à-dire de ce dont il l'accuse, de zina. Et à la 5e fois, il va invoquer la malédiction d'Allah sur sa propre personne s'il fait partie des menteurs. Il dit qu'Allah me maudisse si je suis du nombre des menteurs. Puis il va dire à l'épouse de jurer à 4 reprises pour rejeter l'accusation de l'époux, et à la 5e fois, elle invoquera la colère d'Allah sur elle s'il est des nombreux des véridiques. Si cela se finalise, le juge sépare entre eux à vie. Donc elle lui devient haram, à vie. Comment est-ce qu'on appelle tout cela ? Al-Mula'ana. Comment est-ce qu'on appelle tout cela ? Al-Mula'ana. Dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala a averti de la gravité d'accuser les femmes chastes de dépravation et d'accuser les hommes chastes. Il nous dit subhanahu wa ta'ala après cela, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques. Et la 5e est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. On ne lui infligera pas le châtiment si elle atteste 4 fois par Allah qu'il est du nombre des menteurs. Et la 5e est que la colère d'Allah soit sur elle si elle est ou s'il était du nombre des véridiques. Dans Surat An-Nur, verset 6, au verset 9. La 3e catégorie, al-muharramat bil-ridha, celles qui sont interdites pour cause d'allaitement. Celles qui sont interdites pour cause d'allaitement. La preuve de cela est dans le Coran. On a mentionné le verset de Sourate An-Nisa, Hurrimat alaykum ummahatukum, vos mères vous ont été interdites. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a. Et vos mères qui vous ont allaitées et vos sœurs de lait. Donc ça c'est la preuve dans le Coran. Quant à la sunna, dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yahrumu min ar-ridha' ma yahrumu min an-nasab, devient interdit par l'allaitement ce qui est interdit par la ligne. Lorsqu'un homme et le fils de telle femme du fait qu'il est le fils de cette femme, qui lui est interdit? Hein? Toutes les filles de cette même femme, n'est-ce pas? Les filles de cette femme, on est d'accord ou pas? Qui d'autre? Les sœurs de cette femme, on est d'accord ou pas? Et ainsi de suite. Donc, si elle a allaité cet enfant, d'accord? Abdullah épouse Amatallah. Et ils ont un enfant qui s'appelle Abdurrahman. D'accord? Abdurrahman a été allaité par Oumou Ishaq. Oumou Ishaq a des filles et des sœurs. Oumou Ishaq a allaité qui? Abdurrahman. C'est ça? Quel est le jugement de Oumou Ishaq, de ses sœurs, de ses filles à l'égard de Abdurrahman? Elle devient qui pour lui? Sa mère de lait. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, yahrumu min ar-ridaa ma yahrumu min an-nasab, on va ajouter à cela qui d'autre? Ses filles deviendront ses sœurs de lait. D'accord. Les sœurs de Oumou Ishaq deviendront qui pour Abdurrahman? Ses tantes de lait. Et ainsi de suite. Comme vous ferez pour l'enfant, faites pour l'enfant qui a été allaité. C'est ce que signifie la parole du prophète alayhi salatu wassalam, yahrumu min ar-ridaa ma yahrumu min an-nasab. Donc, notez, les femmes interdites pour cause de l'allaitement sont la mère de lait, celle qui l'a allaité, les filles de cette femme, elles deviennent ses sœurs de lait, les sœurs de cette femme, elles deviennent ses tantes de lait, les filles de ses frères, les filles de ses sœurs. Vous vous souvenez ce qu'on a dit pour Al-Nasab? Mais on fait la même chose pour Al-Ridaa. On fait la même chose pour Al-Ridaa. Si elle a des frères et des sœurs qui ont des filles, d'accord? Son propre fils, ou plutôt ses frères à elle, ils ne pourront pas les épouser, ils sont leurs neveux. Et ici dans ce cas-là, lui il ne peut pas épouser ses sœurs de lait. Mais il ne peut pas épouser non plus qui? Leurs enfants à eux. C'est comme si c'était pour lui-même qui? Ses nièces. C'est comme si c'était pour lui-même qui? Ses nièces. Donc on peut dire la fille ou les filles de ses frères de lait, de ses sœurs de lait. Naam. On a déjà cité les tantes. Naam. Notez que ceci est conditionné pour qu'il devienne le fils de lait et tout ce qui s'ensuit. C'est pas aussi simple que ça. Ou du moins, c'est sous condition. Plus précisément, c'est sous condition. La première condition, un yakun arriva à khamsa. Il faut que la femme l'ait allaité au minimum à 5 reprises. 5 fois. Que ce soit 5 fois, que ce soit 6 fois, peu importe. Mais au minimum 5. Selon la vie prépondérante. Et sachez qu'au début de l'islam, c'était 10 fois. Aïcha radiallahu anha dit, parmi ceux qui avaient été réveillés du Coran, dit, et a dit que c'était 10 fois. Puis ça a été abrogé au nombre de 5. Au nombre de 5. Donc moins de 5, ça n'a pas d'effet. La deuxième condition, c'est que cet allaitement ait lieu dans le temps où on allaite l'enfant en général. C'est jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Donc si elle fait ça alors que l'enfant a 10 ans, ça n'est pas valable. Ça n'est pas valable. Dans Sourate Al-Baqara, verset 233, Allah Azza wa Jalla nous dit « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » Allah Azza wa Jalla nous mentionne que les mères allaitent leurs enfants 2 années complètes pour celles qui veulent compléter l'allaitement. Les savants divergent sur plusieurs questions, mais pour faire court, qu'est-ce que 5 tétés ? Que signifie allaiter à 5 reprises ? Est-ce que si l'enfant est porté au sein, qu'il tète quelques secondes, puis on l'enlève, puis on le remet, il retête quelques secondes, puis on l'enlève, on le remet jusqu'à compléter 5 fois. Est-ce que il devient son fils de lait ? Non. Ce qui est voulu par cela, comme a dit Ibn Uthaymeen, et c'est l'avis prépondérant chez Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala également, c'est qu'une tétée représente un repas. Ça a la valeur d'un repas. Donc s'il est porté au sein, s'il est mis au sein, et qu'il tête et prend un repas complet, puis qu'il lâche le sein, on compte 1. Une prochaine fois à la lettre, on comptera 2. Une prochaine fois, on comptera 3 jusqu'à 5. Par contre, s'il l'allaite et que qu'il se produit une chose qui fait que l'enfant se détache et se remet, on ne dira pas 2, on dira 1. Est-ce que c'est compris ? À l'image d'un repas, du moins, je ne sais pas. À l'image d'un repas, c'est comme cela qu'on compte. Il est mis au sein, il tète, jusqu'à satiété, il arrête. On compte 1. Une prochaine fois il est allaité, on compte 2. Une prochaine fois 3, 4, 5. À partir de la 5e fois, toutes ces règles deviennent effectives. Il est le fils de lait de cette femme, si elle a des enfants, si elle a des sœurs, et ainsi de suite. Il y a toutes ces règles-là. Qu'en est-il, dans l'exemple on avait cité Oumou Ishaq, qu'en est-il de Abu Ishaq ? Si elle a allaité Abdurrahman et en plus de ça sa sœur, Fatima, qu'il est pour l'époux de celle qui a allaité, le lien avec cette fille qu'elle a allaité, que son épouse a allaité. C'est quoi le lien ? Naam ? Naam, Abu min al-Rada'a. Il devient son père de lait. Donc ça devient comme sa fille. Elle n'aura pas porté le hijab. Il peut l'emmener en voyage. C'est comme sa fille. Est-ce que c'est compris ? C'est comme sa fille, exactement. Naam. La première condition, donc, 5 tétés complètes. La deuxième condition, c'est que l'allaitement ait lieu dans le délai où les femmes allaitent en général, c'est-à-dire avant 2 ans. Avant 2 ans. Puis elles le savent. Une question. Dans le cas où la femme est bikri, n'a donc jamais enfanté, dans le cas où la femme est une jeune fille qui n'a jamais été mariée, elle n'a jamais été mariée, mais elle allait un enfant. Elle allait un enfant. Elle recueille par exemple un enfant et elle l'allait. Il y a différents moyens qui peuvent amener, à l'aide d'hormones et autres méthodes médicales, la femme à développer du lait. Bien qu'à la base, le lait se produit du fait de l'interruption des menstrues, lorsque la femme est enceinte, puis elle accouche et elle aura du lait, en général. Mais dans le cas où la femme n'a pas enfanté, elle n'a pas de lait. Mais par quelques méthodes, elle peut avoir du lait en stimulant et en prenant certains produits. Si cette femme-là, qui n'a jamais enfanté, qui n'a donc pas de montée de lait naturelle, allait malgré tout un enfant, est-ce qu'elle devient sa mère de lait ou non? Ou est-ce qu'on conditionne que ce soit dû à des montées de lait naturelles parce qu'elle a accouché un enfant? Il y a une divergence entre les savants sur cela. Et Ibn Athaymin, rahimahullah ta'ala, dans Sharh al-Mubdi', dit que ce qui apparaît, c'est que ça rentre dans la généralité de celles qui ont allaité. On ne nous a pas cité de conditions dans le Coran, donc on laisse de manière générale. Ainsi, il n'y a pas d'adoption en islam. Et Tabani, ça a été abrogé. Mais on peut recueillir des enfants. Et on peut prendre en charge des enfants. Dans le cas où la femme recueille l'enfant avant ses 2 ans, alors il est bon qu'elle l'allait. Comme ça, il devient son enfant de lait. Et comme ça, elle devient son mahram. Et comme ça, il peut se mélanger avec ses enfants et ses filles. Et comme ça, elle n'aura pas à mettre le hijab devant lui. Et ainsi de suite. Voilà. Notez que al-rida yu'athir ala al-murdi'a nafsi wa furu'ihi faqat la fi usulihi wa la hawashi. Notez que celui qui est affecté par toutes ces règles, c'est celui qui a été allaité et ceux qui descendent de lui, non pas ceux qui sont à sa base, c'est-à-dire son père, son grand-père et autres, ni à son niveau, c'est-à-dire ses frères, ses oncles et autres. Par exemple, si un homme est allaité, un enfant est allaité, lui, il ne peut plus épouser cette femme, on est d'accord, ni les enfants, les filles de cette femme, nous sommes d'accord, ni les sœurs de cette femme, on est d'accord. D'accord. Qu'en est-il de son fils plus tard? Et qu'en est-il de son frère plus tard? C'est que Abdurrahman qui a été allaité. Mais Abdurrahman a plus tard un fils. Et Abdurrahman a un frère. Est-ce que pour son fils et son frère, pareillement, cette femme qui a allaité Abdurrahman, elle est interdite pour eux? Ou non? Non. Je répète la règle. Ça a fait que celui qui a été allaité. Ça affecte que celui qui a été allaité. Non. Non pas les autres. Ça affecte que celui qui a été allaité, non pas les autres. Ainsi, il se peut que son propre frère épouse les femmes de cette famille et cette même dame-là, plus tard. À supposer qu'elle ne soit pas mariée, ou ses sœurs, à supposer qu'elle ne soit pas mariée. Et je vais vous citer un cas. Selon vous, est-ce possible qu'un homme et son fils épousent une mère et sa fille? Visualisez la chose ou pas? Toi et ton papa, vous allez demander une fille et sa mère. Ton père prend la fille et toi tu prends la mère, par exemple. Les frères ne sont pas d'accord, donc je vais dire, toi tu prends la fille et lui il prend la mère. Non? Est-ce que ça c'est possible ou pas? Ce cas de figure. Ou non? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Parce que là-bas, c'est la permission. Et là, il n'y a pas d'interdit. Donc l'homme peut épouser une femme et son propre fils peut épouser la mère de cette femme ou la fille de cette femme. Voilà. Taïb. Bien évidemment, sa mère n'entre pas dans ce... ici dans l'équation. Parce que c'est interdit par... par les liens. Il nous reste un cas. C'est le muharramat bil musahara. Ce sont les femmes interdites suite à une alliance, suite à un mariage. Un instant, je vais juste vérifier un point. Avant de passer à la suite, Ibn Asim rahimahullah mentionne une mas'ala. Il dit hal rida'u al-kabir mu'athir. Est-ce que d'allaiter la personne qui est grande, ça a un impact? C'est-à-dire qu'il dépasse 2 ans, il dépasse 3 ans, et ainsi de suite. Il mentionne la divergence, il dit que la prépondérance, c'est que c'est jusque aux alentours de 2 ans. Mais il cite une situation. S'il ne l'avait pas mentionné, je ne me serais pas perdu. Dans le cas où l'âme s'amuse avec son épouse, et que cette épouse a du lait, et que lui, sachant que certains savants ont dit, avant de visualiser cette question, il faut d'abord savoir que pour la tétée, les 5, le nombre 5, l'âme prépondérant est ce qu'on a défini, mais certains savants ont dit, juste l'enfant boit, ou la personne boit, c'est une tétée. Si une seconde fois elle boit, c'est une deuxième, et ainsi de suite. Elle en boit, c'est une deuxième, elle en boit, c'est une troisième, ainsi de suite. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dit, certains parmi les époux jouent avec les épouses au point de boire du lait. La situation amène, il fait des choses qui amènent à ce qu'ils boivent du lait. Est-ce que dans le cas où ça se passe 5 fois, elle devient sa mère de lait? Donc le mariage est annulé, donc il faut les séparer. Naam, il faut faire attention vu l'époque. Naam, il dit si on prenait cet avis au bout de la 5e, on lui dit salam alaik. Naam, c'est la phrase d'Ibn Athaymin rahimahullah. Mais ça n'est pas un avis retenu, ça n'est pas l'avis qui est retenu, comme il a dit rahimahullah ta'ala. Ensuite, pour finir, al-muharramat bil-musahara, par les liens. Notez, bi-mujarrad al-aqd, yahrum, ou bil-aqd, n'am yahrumu bil-aqd, zawjatu abik, wa in'ala. وكل جد وزوجة ابنك وإن نزل suite au mariage de ton père, son épouse te devient interdite. Donc il est interdit au fils de cet homme d'épouser cette femme à vie. Même s'il la divorce par la suite sans avoir consommé le mariage, même s'il décède, même si, quelle que soit la situation, à vie, elle lui est interdite et c'est son mahram. Il devient son maharam. Dans sourate An-Nisa, le verset 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Le verset 22. Donc le verset des interdits, je vous avais dit 22, c'est le 23. Naam, le long verset, c'est le 23 et celui-ci est le 22. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. En général, lorsqu'on dit sauf par le passé, ça veut dire al-jahiliya, dans la jahiliya, dans la période anti-islamique. Pour le fait d'épouser les femmes pour de qui il est le mahram, Allah Azza wa Jal a appelé cela fahisha, c'est une turpitude. Il a ajouté wa maqtan wa sa'a sabila, une abomination. Wa sa'a sabila est un mauvais chemin. On a cité trois choses. Dans le cas où l'homme épouserait une femme alors qu'il est son mahram. Alors que pour zina, alors que c'est un péché capital, Allah nous dit dans Sourate Al-Isra, et parmi les choses étonnantes, Al-Muwafaqat, c'est que les deux versets ont le même numéro. Dans Nisa, c'est le 22, et dans l'Isra, c'est le 22. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est certes une turpitude et un mauvais chemin. Donc, quelle est la pire des choses? La pire des deux. C'est épouser les femmes qui sont illicites. Parce que pour le fait d'épouser les femmes qui sont illicites, on a dit makotam, makotam, c'est une abomination. Et on n'a pas mentionné cela pour Azina. Donc, commercer avec les femmes dont l'homme est le mahram, c'est pire que de faire la fornication. Et il y a des jugements différents qui en découlent. Donc, le simple mariage du père rend illicite au fils cette femme-là. Et bien sûr, il faut que ce soit un abd sahih, il faut que ce soit un mariage authentique. S'il n'y a pas de wali dans le mariage, par exemple, elle ne devient pas interdite. On a dit que l'épouse du père est interdite. Wa in ala, même si c'est au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit son père, que ce soit qui d'autre? Son grand-père, que ce soit qui d'autre? Son arrière-grand-père, et ainsi de suite. Donc, ça englobe, comme on l'a mentionné, le père et les grands-pères. Ça, c'est dans le cas où il y a mariage. Mais dans le cas où il n'y a pas eu de mariage, et que c'est dans le haram, on ne dira pas que la mère de cette fille devient illicite et ainsi de suite. Ou bien cette femme-là devient illicite. Ensuite, Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, donc on a mentionné ici l'épouse du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, ainsi de suite. Notez également, avec le aqd, l'épouse du fils. Donc si son fils se marie avec une femme, cette femme-là devient interdite à qui? Comment? Elle devient interdite à qui? À son père. Au père de qui? Du fils, Naam, de son époux. L'homme épouse une fille, ben le père de cet homme-là, cette fille, elle lui devient haram. Il devient mahram pour elle. Là, on est en train de mentionner le simple fait de faire le mariage. On n'a pas parlé de consommation du mariage. Là, on est dans le chaos, le simple mariage rend interdite ces femmes-là. Donc faites bien la distinction, parce qu'après on va passer à l'autre catégorie. C'est qu'on conditionne la consommation du mariage. Ici, on ne la conditionne pas. Donc si un enfant épouse une femme, son père devient son mahram. Cette femme devient interdite à son père. Lorsqu'on dit son fils, « wa in nazala », Naam, même leur successeur, c'est-à-dire que ce soit le fils, mais qui d'autre? Le petit-fils, qui d'autre? L'arrière-petit-fils, jusqu'à pas de limite. Et ici, on ne parle pas de ceux qui ont été allaités. Non, on parle de ses enfants. Qu'en est-il? Donc, on a mentionné que l'épouse de son fils lui est interdite. On est d'accord? De ses petits-fils, arrière-petits-fils, ainsi de suite. Qu'en est-il des filles de son épouse? Qu'en est-il de la mère de son épouse? Vous avez compris la situation? Tu as un fils, il épouse une femme. C'est quoi le jugement de cette femme pour toi? Haram. On est d'accord? Taïb. Cette femme-là a une fille. Où il y a la mère de cette fille? Quel est le jugement de la mère de l'épouse de ton fils? Quel est le jugement de la fille? Donc il a épousé une femme qui avait déjà une fille adulte. Quel est le jugement de sa fille par rapport à toi? Quel est le jugement de sa mère par rapport à toi? La question est claire ou pas? Donc, je vais poser la question différemment, peut-être que ça sera plus clair. Tu as épousé une femme. Naam. Cette femme-là, il y a sa mère. Est-ce que tu peux aller voir ton père pour lui dire d'épouser cette femme? Est-ce que tu peux proposer la mère de ton épouse à ton propre père? Ou elle a une fille? Est-ce que tu peux lui proposer? Oui, donc c'est quoi le jugement? Elle, c'est pas haram. Donc, la mère de ton épouse n'est pas haram à ton père. Et la fille de ton épouse n'est pas haram à ton père. Est-ce que c'est wadih comme ça? Notez-le. Et ça, c'est dans un sens, mais dans l'autre. On échange le rôle. Le père épouse une femme. C'est quoi le jugement pour le fils? Elle est haram. On est d'accord ou pas? Taïb, si cette femme a des filles, où il y a sa mère? Si cette femme a des filles, c'est quoi le jugement pour cet enfant-là? Comment? J'ai pas entendu. Elles ne sont pas haram, exactement. Donc, on peut se retrouver dans quelle situation? On peut se retrouver dans une situation où le père épouse une femme et le fils épouse la fille de cette femme ou la mère de cette femme. Et on peut se retrouver dans une situation où le fils épouse une femme et le père épouse la mère de cette femme ou la fille de cette femme. Tout cela est permis, elles ne font pas partie des muharramat, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et al-tahlil al-tahrim, est-ce que c'est avec notre raison ou c'est avec les textes du Coran de la Sunna? C'est avec les textes. C'est avec les textes du Coran et de la Sunna. Donc, la mère de l'épouse, la fille de l'épouse, l'épouse du père, du grand-père, ainsi de suite, avec l'aqd, avec le mariage. Le simple contrat de mariage. Dans le cas où l'homme se marie avec une femme, il épouse une femme. Puis il y a des problèmes. Et avant la mairie ou avant la nuit de noces, on va dire avant la consommation du mariage précisément, il la divorce. Est-ce que son fils peut l'épouser après lui, sachant qu'il n'a pas consommé le mariage? Ou non? Non, parce qu'elle fait partie des muharramat. À partir du moment où elle a fait le mariage, à vie, elle lui est interdite. À vie, elle lui est interdite. Notez la seconde catégorie. C'est celles qui sont interdites suite à la consommation du mariage. Donc là, on est toujours dans l'alliance, mais le simple contrat de mariage à mener ce jugement. Pour les autres, ça ne suffit pas. En plus du contrat de mariage, il faut la consommation du mariage. La consommation du mariage, c'est-à-dire qu'il entre dans la fin. En arabe, « ad-dukhul ». Notez, la fille de l'épouse. Mais si je l'ai mentionné dans la catégorie d'avant, c'était une erreur. La fille de l'épouse. Comment est-ce qu'on l'appelle en arabe ? Al-Rabiba. Ta belle-fille. C'est-à-dire, il épouse une femme. Cette femme-là a un enfant d'un précédent mariage. Elle a un enfant. Hasil, elle a une fille. Celle-ci, on l'appelle Al-Rabiba. Rabiba, ta belle-fille. Allah nous dit dans Sourate An-Nisa, verset 23, « وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِ » Et les filles de vos épouses ou vos belles-filles qui vivent sous vos toits. Qui vivent sous vos toits, ce n'est pas une condition, mais c'est la généralité. En général, lorsqu'un homme épouse une femme, si elle a une fille, elle va vivre où cette fille-là? Elle va vivre sous son toit. Donc on a cité cela pour mentionner la généralité. Non pas que dans le cas où cette fille ne vit pas sous son toit, elle ne lui est pas haram. Non, ce n'est pas ça le sens. C'est qu'on a cité la généralité. On a cité la généralité. Allah nous dit de celle avec qui le mariage a été consommé. Donc ça c'est une condition. Pour que la fille de l'épouse devienne haram à l'époux, il faut qu'il y ait consommation du mariage. Tant que le mariage n'est pas consommé, elle ne lui est pas haram. Elle ne lui est pas haram. Si on dit la fille de son épouse suite à la consommation du mariage lui devient haram. Vu qu'on dit la fille, ça englobe qui aussi? Avec tous les exemples qu'on a mentionnés, normalement c'est connu auprès de vous maintenant. Désormais c'est connu. Sa fille. Ensuite, la fille de sa fille, ensuite la fille de sa fille, jusqu'à pas de limite. Mais on conditionne que le mariage ait été consommé. Pas le simple mariage. Le simple mariage, c'est quoi? L'acte de mariage, c'est lorsque le père t'a donné la fille. Il a accepté le mariage, tu as accepté le mariage, vous êtes marié. Elle t'est halal. Et ad-dukhul, c'est lorsque l'homme consomme le mariage. C'est clair pour tout le monde. Il faut faire la distinction entre le premier jugement et le second. Le premier jugement, la mère de, ou plutôt l'épouse de son père, lui interdit dès qu'il a le mariage. D'accord ? L'épouse de son fils lui est interdite dès qu'il y a le mariage. Mais qu'en est-il de la fille de son épouse ? Est-ce que dès qu'il y a le mariage, elle lui devient haram ? Ou non ? Non. Mais lorsqu'il consommera le mariage, elle le deviendra. Donc il y a combien de catégories de personnes par alliance qui deviennent muharram ? Il y en a quatre. Pas catégorie, combien de personnes ? Il y en a quatre. Je vous cite une situation et vous me donnez le jugement. Un homme épouse une femme. Puis, avant de consommer, il la divorce. Ou il décède. Ou il décède avant d'avoir consommé le mariage. On va inverser la situation. C'est elle qui décède. C'est elle qui décède. L'homme épouse une femme. Il n'a pas consommé le mariage. Puis il la divorce. Sans avoir consommé le mariage. Ou elle décède sans qu'il ait consommé le mariage. Est-ce que par la suite il peut épouser sa fille ou non? Non? Oui ou non? C'est lui qui dit non, pourquoi? Qui a dit non et pourquoi? Qui a dit non? C'est quoi la preuve? parce que leur mariage était fait, donc il ne peut pas épouser sa fille par la suite. Ça, que tu dis, vous êtes d'accord avec ça? Non? Quelle autre réponse que cela? Est-ce qu'elle lui licite ou illicite? Elle lui est licite. Tu dis, c'est quoi la preuve de cela? Il n'a pas consommé le mariage avec la mère. Et Allah a conditionné dans le Coran pour que la fille devienne haram, qu'il y ait consommation du mariage. Donc la fille lui est licite. Est-ce que c'est compris? Dans ce deuxième cas de figure, on a dit que la condition n'était pas le simple acte de mariage, mais en plus de cela, la consommation du mariage. Donc s'il n'a pas consommé le mariage, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle lui devienne haram. Les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle lui devienne haram. Et si une personne dit oui, mais elle ne vit pas sous son toit, donc elle ne lui est pas haram. Quelle est la réponse à cela? Ça n'est pas une condition, mais c'est cité dans le verset à côté de la condition de consommer le mariage. Exactement. On a cité cela, comme l'explique Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants, c'est que ça n'est pas une condition, mais ça a été cité parce que ghaliban, en général, c'est ainsi. En général, c'est ainsi. Qu'est-ce qu'on a cité ici donc, par alliance? Qu'est-ce qui nous les rappelle? On a commencé par citer, on a parlé du père. On a cité qui? L'épouse du père. Ensuite, l'épouse du fils. Naam. Père, on a dit que s'englobait. Grand-père et fils, on a dit que s'englobait. Petit-fils. Là, est-ce que c'est le simple acte de mariage ou c'est la consommation qui est conditionnée? Le simple acte de mariage. Le simple acte de mariage. Ensuite, concernant la personne elle-même, lorsqu'elle se marie, on a cité, il se marie avec une femme. Qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? On a dit là, la mère de la femme, vous n'êtes pas d'accord? La mère de votre épouse, par exemple, est-ce que vous pouvez l'embrasser ou pas? Est-ce que vous pouvez l'emmener au hajj ou pas? Oui. Donc la mère de Mada, de l'épouse. La mère de l'épouse. Et la mère, si on dit les, il y a Annie, sa mère, il y a qui aussi avec elle? Hein? La grand-mère, et ainsi de suite. Encore une fois, c'est le simple acte de mariage. N'est-ce pas? Taïb. On a donc cité la mère du père, l'épouse du père. L'épouse du fils, la mère de l'épouse. Et on a fini par, par contre là on a dit qu'on conditionnait la consommation du mariage, la fille de qui? La fille de l'épouse. La fille de l'épouse. Et vous retenez, lorsqu'on dit mère, ça englobe les grands-mères. Lorsqu'on dit fille, ça englobe les petits-enfants, et ainsi de suite. Sa fille, avec la consommation du mariage, mais également les enfants qui en découleront. Yani cette fille-là a eu une fille encore. Et ses enfants ont eu des enfants, et ainsi de suite. Toutes ces filles-là lui seront haram. Cette fille, qu'elle ait des garçons ou des filles, cette fille-là, qu'elle ait des garçons ou des filles, ces derniers font des enfants, à partir de cette fille, toutes les filles qui vont suivre, lui seront à lui interdites. Non. Dans le cas, yani, là on a bien compris que la fille de son épouse devient comme sa propre fille. Est-ce que l'homme, ou quel homme porte, ou quel regard l'homme porte sur sa propre fille? C'est un regard de rahma, C'est un regard de mahabba, c'est un regard de considération, d'amour, de compassion, de miséricorde, et ainsi de suite. Mais ça n'est pas un regard sexuel, par exemple. Il ne peut avoir de penchant vers sa fille, sauf, wal'iyadu billah, s'il est malade. Sauf s'il est malade, wal'iyadu billah. Naam. Donc, on dira que cette fille-là, elle n'a pas, par exemple, à se voiler devant l'époux de sa mère. Mais dans le cas où il serait malade, dans le cas où il la regarderait d'un regard pervers, maladif, dans le cas où il serait tenté et Shaitan se serait emparé de sa raison, à ce moment-là, cette fille-là devrait se couvrir devant lui, on devrait l'éloigner et la préserver de son mal. Il faut que l'époux soit informé, que les proches soient informés, que la fille soit mise en sécurité face à la maladie et à la perversion de cet homme. Elle devra alors se comporter face à lui tel un étranger, et pire encore, ou plus encore. On va s'arrêter sur cela. On poursuivra pour finir ce passage-là. Puis on enchaînera sur le chapitre suivant, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين